me dit que la lune est en argent et je le crois facilement, je le crois facilement. Il me dit que je suis la plus jolie et même si je souris, je crois ce qu'il me dit. Et je danse, je danse, je danse. Chansons à tous les vagabonds de la chance pour qu'ils dansent avec moi quand je danse. Il m'emmène dans de fabuleux pays qu'il n'a jamais visité et qu'il vient d'inventer. À travers tous ces romans, et moi, inlassablement, je le suis en courant. Et je danse, je danse, je danse. Et je veux faire danser toute la France. Je ferai n'importe quoi pour faire partager ma joie aux faiseurs de chansons. Chansons à tous les matins.